La délégation du comité russe pour honorer les grands hommes Pectosan, conduite par le président Viktor Petrov, est arrivée le 16 octobre à Pyongyang par vol. Précédemment est arrivée Kim Ho-kwang, administratrice du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il.